Aujourd'hui, je t'aurais écrit ma joie sous les murmures du soir tombant, sous les auspices de ma trône russe et les visions de vierges vikings. Mes rêves au-dessus du fleuve Hudson me révélaient des mondes plus ardents, fabriquant des bateaux de papier à l'ombre de la Vierge sacrée. Mais puisque tu crois encore que la force de toute femme réside à cacher ses sentiments, à étouffer tout élan d'espérance, je retourne à mes appartements de cristal, devant une cour qui me réclame, et j'attends patiemment mes fruits, ceux que mes désillusions m'ont offert. Je retourne à mes appartements de cristal, devant une cour.